5. De ce jour, elle n'eut plus qu'une pensée, avoir un enfant, un autre, et elle confia son désir à tout le monde. Une voisine lui indiqua un moyen, c'était de donner à boire à son mari tous les soirs un verre d'eau avec une pincée de cendre. Le fermier s'y prêta, mais le moyen ne réussit pas. Ils se dirent « peut-être qu'il y a des secrets » et ils allèrent au renseignement. On leur désigna un berger qui demeurait à 10 lieues de là, et maître Valin, ayant attelé son tilbury, partit un jour pour le consulter. Le berger lui remit un pain sur lequel il fit des signes, un pain pétri avec des herbes, et dont il fallait que tous deux mangeassent un morceau, la nuit, avant comme après, leur caresse. Le pain tout entier fut consommé sans obtenir de résultat. Un instituteur leur dévoila des mystères, des procédés d'amour inconnus aux champs, et infaillibles, disait-il. Ils ratèrent. Le curé conseilla un pèlerinage au précieux sang de Fécamp. Rose alla avec la foule se prosterner dans l'abbaye, et, mêlant son vœu aux souhaits grossiers qu'exhalaient tous ces cœurs de paysans, elle supplia celui que tous imploraient de la rendre encore une fois féconde. Ce fut en vain. Alors elle s'imagina être punie de sa première faute, et une immense douleur l'envahit. Elle dépérissait de chagrin. Son mari aussi vieillissait, se mangeait les sangs, disait-on, se consumait en espoirs inutiles. Alors la guerre éclata entre eux. Il l'injuria, la battit. Tout le jour, il la querellait, et le soir, dans leur lit, haletant, haineux, il lui jetait à la face des outrages et des ordures. Une nuit, enfin, ne sachant plus qu'inventer pour la faire souffrir davantage, il lui ordonna de se lever et d'aller attendre le jour sous la pluie, devant la porte. Comme elle n'obéissait pas, il la saisit par le cou et se mit à la frapper au visage à coups de poing. Elle ne dit rien, ne remua pas. Exaspéré, il sauta à genoux sur son ventre, et, les dents serrées, fou de rage, il l'assommait. Alors elle eut un instant de révolte désespérée, et d'un geste furieux, le rejetant contre le mur, elle se dressa sur son séant, puis, la voix changée, sifflante, « J'en ai un, effant en moi! J'en ai un! Je l'ai eu avec Jacques! Tu sais bien, Jacques, il devait m'épouser! Il est parti !» L'homme, stupéfait, restait là, aussi éperdu qu'elle-même. Il bredouillait « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis ?» Alors, elle se mit à sangloter, et à travers ses larmes ruisselantes, elle balbutia « C'est pour ça que je ne voulais pas t'épouser. C'est pour ça. Je ne pouvais point te le dire. Tu m'aurais mise sans pain avec mon petit. Tu n'en as pas, toi, défends. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. » Il répétait machinalement, dans une surprise grandissante, « T'as un éphant? T'as un éphant ?» Elle prononça au milieu des hoquets, « Tu m'as prise de force. Tu le sais bien, peut-être. Moi, je ne voulais point t'épouser. » Alors, il se leva, alluma la chandelle, et se mit à marcher dans la chambre, les bras derrière le dos. Elle pleurait toujours, écroulée sur le lit. Tout à coup, il s'arrêta devant elle. « C'est de ma faute, alors, si je t'en ai pas fait, » dit-il. Elle ne répondit pas. Il se remit à marcher. Puis, s'arrêtant de nouveau, il demanda « Quel âge qu'il a, ton petiot ?» Elle murmura « V'là qu'il va avoir 6 ans. » Il demanda encore « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Elle gémit « Est-ce que je pouvais ?» Il resta debout, immobile. « Allons, lève-toi, » dit-il. Elle se redressa péniblement, puis, quand elle se fut mise sur ses pieds, appuyée au mur, il se prit à rire soudain de son gros rire des bons jours. Comme elle demeurait bouleversée, il ajouta « Eh bien, on ira le chercher, cet enfant, puisque nous n'en avons pas ensemble !» Elle eut un tel effarement que, si la force ne lui eût pas manqué, elle se serait assurément enfuie. Mais le fermier se frottait les mains et murmurait « Je voulais en adopter un. Le v'là trouvé, le v'là trouvé. J'avais demandé au curé un orphelin. » Puis, riant toujours, il embrassa sur les deux joues sa femme éplorée et stupide. Il cria, comme si elle ne l'entendait pas. « Allons, la mère, allons voir s'il y a encore de la soupe. Moi, j'en mangerai bien une potée. » Elle passa sa jupe, ils descendirent, et pendant qu'à genoux elle rallumait le feu sous la marmite, lui, radieux,